Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 13. Fronde japonaise. Jusqu'à présent, les pouvoirs opprimaient ou tuaient directement. Maintenant, la mort et la démence peuvent être un simple sous-produit de leur activité. De 1932 à 1966, une usine de pétrochimie de la société Chisso a rejeté de nombreux résidus de métaux lourds, dont 400 tonnes de mercure, dans la baie de Minamata, au sud-ouest du Japon. Les pêcheurs et leurs familles sont atteints de ce qu'ils appellent seulement la maladie. Des enfants infirmes viennent au monde. En novembre 1970, lors d'une assemblée de la Chisso à Osaka, les habitants de Minamata perturbent les débats. Les habitants en colère interpellent les dirigeants. La parole aux victimes, ressuscitez les morts. Une femme prend à partie le directeur de la Chisso qu'on tente d'évacuer. Tu es un père toi aussi. Tu comprends ce que ça veut dire ? Peux-tu imaginer ce que j'éprouve ? Cesse de sourire. Les parents tiennent à leurs enfants, et les enfants à leurs parents. Pour nous, les vieux sans enfants, tout est fini. Il faut attendre 1996 pour que l'État indemnise l'ensemble des victimes, dont le chiffre officiel est de 13 000. Mais le nombre de victimes sur autant de temps est bien évidemment difficile à évaluer. La lutte des victimes de Minamata a marqué le début de nombreuses luttes contre la pollution au Japon, et notamment les luttes contre le nucléaire civil. On pourrait croire que le mouvement antinucléaire est né avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Or, il n'en est rien. Dans l'immédiate après-guerre, l'heure était à la survie et à la reconstruction, et jusqu'en 1952, l'occupation américaine censurait toute information sur ces événements. En 1954, les États-Unis essaient la première bombe à hydrogène sur l'atoll de Bikini. Pour la première fois, la bombe a été larguée d'un avion volant à 11 000 mètres au-dessus d'une cible tracée sur l'îlot de Namu. Les appareils de contrôle ont enregistré à 55 km les effets de cette bombe qui équivaut à 15 bombes modèle Hiroshima. Une boule de feu de 5 km de rayon a semblé naître à 3000 mètres du sol du champignon maintenant classique. Allons, le progrès poursuit sa marche. Un chalutier japonais, son équipage et sa cargaison sont irradiés. C'est à ce moment-là qu'un mouvement antinucléaire organisé voit le jour. Trois organisations antinucléaires apparaissent alors. La Gensuikyo est très liée au Parti communiste. La Gensuikin au Parti socialiste, alors que la Kakinkeigi est proche, elle, du Parti libéral-démocrate au pouvoir. Toutes se concentrent sur le nucléaire militaire. Elle ne prête guère attention au nucléaire civil, qui n'en est qu'au stade des premières recherches au Japon, quand elle ne l'approuve pas ouvertement, comme la Kakinkeigi. Il faut attendre les années 1970 pour qu'émerge un mouvement antinucléaire japonais issu de la société civile, qui s'oppose alors à la construction de centrales nucléaires. Au pied des collines qui viennent mourir dans la mer de Seto, le port d'Iwashima a des allures de bout du monde. C'est là que la compagnie électrique Shugoku a entrepris depuis 1982 de bâtir deux réacteurs avec le soutien des élus de Kaminoseki, dont dépend Iwashima. Au fil des ans, le projet est devenu une aventure épique, un bras de fer emblématique entre les pêcheurs et la compagnie d'électricité. Depuis 30 ans, même s'ils vieillissent et s'épuisent, ces deux camps n'ont jamais désarmé. Ils se livrent à des batailles navales, verbales, politiques, juridiques, très rarement physiques. La région est donc devenue le cœur d'un combat entre anti- et pro-nucléaire. Il reste d'autant plus emblématique que la centrale de Kaminoseki est la seule aujourd'hui en construction au Japon. Sur l'île, bon nombre d'habitants se démènent, mais le combat est démesuré contre le village nucléaire nippon. Sur la plage qui borde l'île au nord, un chantier, des petites grues, des échafaudages, des hommes en vêtements de travail. Si les pêcheurs s'approchent, les haut-parleurs lancent « Cette côte est interdite, vous ne pouvez pas rester là !» Mais les pêcheurs s'en moquent. Cette côte, ils la pratiquent depuis 5 générations. Aucun message enregistré n'y pourra jamais rien. Les militants assurent une permanence pour empêcher les ouvriers de travailler. À chaque fois qu'ils arrivent avec les engins lourds, tous les pêcheurs débarquent et les empêchent d'avancer. C'est pour ça que les militants campent sur la plage, 24 heures sur 24. Chaque famille du village se relaie ainsi pour donner l'alerte. Et ça marche, depuis un certain temps. Depuis 28 ans exactement. 28 années et pas un jour de pause. Ainsi, ces pêcheurs ont réussi depuis toutes ces années à empêcher la construction de la centrale. C'est un cas unique dans le pays traditionnellement peu enclin à la polémique et qui a docilement intégré le nucléaire. Mais la population vieillit et diminue. Ça va devenir très difficile de se mobiliser dans les années qui viennent. C'est une mission qui relève quasiment de la survie. Le plus important n'étant pas de gagner, mais de ne pas perdre. Les paysans, les militants, la poignée de nouveaux habitants fraîchement débarqués sur l'île défendent avec des envies farouches d'autarcie un vivre ensemble fait de développement durable et d'énergie renouvelable. Mais tout cela est à mille lieues du productivisme ambiant dans l'industrie et la politique nippone. Iwashima n'oublie jamais l'inexorable réalité. La ville se meurt lentement, sûrement. Il y a 50 ans, Kaminoseki comptait 12 000 âmes. On en recense aujourd'hui 3300, dont la moitié a plus de 65 ans. Une trentaine de personnes sont arrivées sur l'île depuis 5 ans. C'est un espoir énorme. Mais la plupart du temps, les jeunes partent vers les villes faute de travail sur l'île. La centrale apparaît alors comme une bouée de sauvetage pour ces îles doublement condamnées par la démographie et l'économie. C'est l'autre refrain repris par une partie des habitants de Kaminoseki et le camp pro-nucléaire. La mairie fait ses comptes, et elle est largement déficitaire. Alors, les aides viennent de l'État qui, depuis 1974, subventionne généreusement les collectivités accueillant des centrales nucléaires. Dans le même temps, la mairie dit se démener pour accueillir les entreprises. Sans succès. Kaminoseki n'a pas assez de terrain disponible, pas assez d'eau pour les attirer, pas de particularité touristique majeure et se trouve loin des axes routiers principaux. Pour beaucoup, le seul choix, c'est la centrale. L'argumentaire de la survie est bien rodé. La langue de bois réapparaît presque mot pour mot dans la bouche du directeur de la compagnie électrique Shugoku. Il rappelle qu'il a soutien des autorités locales, qu'il faut assurer la sécurité énergétique du pays. Il vante son projet de centrale qui devrait à terme fournir de l'électricité à près de 8 millions de Japonais. Donner du travail à 3500 personnes pendant la construction et 1000 une fois l'exploitation commencée. Une manne pour Kamino Seki. Le patron Shugoku s'affiche en dirigeant prudent et responsable. Il se fait l'apôtre d'un fort et vif débat sur le nucléaire, avant de préciser qu'il y a beaucoup d'inconvénients à arrêter ce type d'énergie. Il reconnaît que le 100% sécurité n'existe pas dans le nucléaire. On attendrait plus de circonspection de la part de cet homme, dont l'histoire familiale a été peu épargnée par l'atome. Il est né à Nagasaki, son père et son grand-père ont été victimes de la bombe, et sa femme est originaire de Fukushima. Selon lui, il faut rendre les gens plus aptes à gérer des centrales et éviter au maximum l'erreur humaine. Shugoku s'est trouvé un bon soldat envoyé au front d'Iwo Jima. À 3 reprises, il a tenté d'aller prêcher la bonne parole nucléaire sur l'île. À 3 reprises, il a été empêché de descendre du bateau. Un comité d'accueil de 100 personnes l'attendait de pied ferme sur le quai, avec des seaux d'eau et des menaces verbales. C'est l'un des nombreux épisodes d'une guerre des nerfs qui n'a pas cessé depuis 30 ans. Pétitions, sit-in, campagnes bruyantes, grève de la faim, études environnementales, blocage de chantier. Les habitants d'Iwo Jima n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire barrage à la centrale. Quand les premières études de faisabilité ont démarré, ils ont acheté des parcelles de terrain pour retarder les travaux. En septembre 2009, ils ont pris de court Shugoku en organisant un blocus naval de la baie, empêchant les bateaux plateformes de la compagnie de délimiter le chantier avec d'immenses bouées. La bataille a rebondi devant les tribunaux où l'État et Shugoku ont poursuivi une poignée de manifestants pour entrave. Ils ont dû dégager le site avant d'être condamnés à verser des centaines de milliers d'yens. Iwo Jima a rejeté avec la même fermeté l'argent que lui promettait Shugoku pour acheter la paix sociale. Les 53 pêcheurs ont toujours refusé d'encaisser le 1,1 milliard de yens, car la compagnie électrique s'est montrée très généreuse pour faire accepter son projet de centrale. Le directeur avance la coquette somme de 5 milliards de yens déversés dans les caisses de la mairie depuis 1982, qui se sont ajoutés aux 6,9 milliards octroyés par Tokyo. Des bus, une école, un collège, une route côtière, une maison de retraite, un bain public spa cossu, bâti au pied du pont de la ville. Les travaux n'ont pas manqué pour dynamiser et rénover la commune, reconnaît le maire qui s'est ainsi placé sous la dépendance de la compagnie électrique. Une emprise dont il est difficile de se défaire aujourd'hui, même après la catastrophe de Fukushima. Satoshi Kamata est journaliste. Il est l'auteur de Toyota, l'usine du désespoir, mais aussi d'essais sur le nucléaire comme Voyage dans l'archipel nucléaire et la zone nucléaire japonaise. Il a commencé à suivre les mouvements antinucléaires dans les années 70. À cette époque, un projet de retraitement des déchets nucléaires voit le jour à Rokashomura, sur la presqu'île de Shimokita au nord du Japon. Il enquêtait alors sur les mouvements contre la pollution et les expropriations. En 1973, il s'intéresse à des mouvements d'opposition à l'installation de 2 centrales, Kashiwazaki Kariwa à l'est et Ikata à l'ouest. Les luttes des habitants s'articulaient alors autour des expropriations et de la renonciation aux droits de pêche. Dans les années 80, est également soulevée la question des enquêtes publiques manipulées. Les mouvements contre des installations se sont maintenus et ont connu un regain après l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, et surtout après celui de Tchernobyl. En 1989, plus de 10 000 personnes descendent dans les rues de la ville d'Aomori, au nord du Japon, pour protester contre le projet d'une construction d'une usine de retraitement des déchets nucléaires. Mais les mouvements ont tendance à se tarir. En fait, nous avons tous, y compris les antinucléaires, y compris moi-même, finit par reconnaître l'existence du nucléaire. Bien sûr, nous n'adhérons pas à cette situation, mais nous nous en accommodons. Face au pouvoir démesuré du village nucléaire et à sa propagande, il est difficile de résister au projet nucléaire. Les compagnies d'électricité subventionnent la construction de complexes sportifs, la rénovation de bâtiments, promettent des emplois aux populations vivant à proximité de centrales nucléaires. Le nucléaire s'est implanté sur l'illusion ou la fiction du développement local. La politique nucléaire est ainsi apparue en ciblant les localités les plus vulnérables. Ce sont des territoires où il est facile de s'imposer, d'attaquer, de faire accepter, de rendre dépendant. Les centrales japonaises sont installées au point d'intersection entre la structure discriminatoire du travail et celle du territoire. En 1996, les habitants de la petite ville de Maki, dans la très conservatrice région rurale de Niigata, rejettent par référendum la construction d'une centrale. Dès lors, face à la menace d'autres référendums partout où existent des projets de construction, l'accroissement des capacités nucléaires ne peut plus guère se faire que par extension des sites déjà existants. À Fukushima notamment, des terrains avaient été achetés par TEPCO en prévision d'un agrandissement. Un projet d'agrandissement du site de retraitement de Rokashomura était alors imaginé. Après la catastrophe de mars 2011, cela est désormais impossible. Cependant, un projet d'exportation des déchets nippons vers la Mongolie contre l'importation d'uranium existe bel et bien. Avant 2001, de sérieux accidents se multiplient dans les centrales. Monju en 1995, Tokaimura en 1999, Kashiwazaki Kariwa en 2007, faisant apparaître des problèmes de sécurité et des dissimulations de la part des compagnies d'électricité. Après la catastrophe de Fukushima, Satoshi Kamata fait le constat suivant. L'État et les industries ont réuni tous leurs efforts pour asséner aux paysans que leur mode de vie était du passé et qu'il ne correspondait plus à la vie urbaine, pour transformer ces populations en force de travail au service de la ville. Nous pouvions pourtant vivre autrement. Kamata tente de tirer des leçons des luttes passées qui, selon lui, manquaient d'un impact populaire, étaient trop minoritaires. Elles doivent aujourd'hui s'appuyer sur un refus intangible de l'industrie nucléaire. Seulement, le refus signifie l'isolement. Se pose donc la question du rapport entre isolement et solidarité. Dans un premier temps, nous devons faire connaître l'existence parmi la population de ces personnes isolées qui se sont battues. Cela amènera ensuite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons créer une solidarité. Ne pourrait-on pas faire émerger de nouvelles questions en tissant des liens non seulement entre les victimes de la contamination, mais aussi les victimes des essais nucléaires du Pacifique Sud, les travailleurs contaminés des mines d'uranium partout dans le monde, les victimes de Tchernobyl? Satoshi Kamata fait partie de ceux qui ne renoncent pas. Au printemps 2012, il a participé à une grève de la faim devant le Métis pour l'arrêt du nucléaire japonais. Cette semaine que le Japon n'oubliera jamais, cette semaine où la troisième puissance mondiale a vu deux vagues la faire vaciller, celle du tsunami, puis celle de la peur des radiations. Nous confirmons l'explosion à Fukushima du bâtiment numéro 1 et une légère fuite radioactive, mais l'enceinte du réacteur... Que se passe-t-il exactement dans cette centrale? On a l'impression que les autorités sont totalement dépassées aujourd'hui. Le gouverneur de Fukushima redoute le pire. Si un désastre nucléaire devait se produire, les habitants devront évacuer les lieux sur de grandes distances et cette évacuation serait très compliquée à organiser. Nous devrions alors déplacer les gens et comment ferait-on ? Dans les premiers jours après la catastrophe à la centrale de Fukushima Daiichi, les organisations antinucléaires traditionnelles semblent dépassées par les événements. Les premières manifestations du mois de mars ne rassemblent que quelques centaines de personnes dans les grandes villes du Japon. La désorganisation des transports et l'exode vers le sud d'une partie de la population tokyoïde ne facilitent pas les choses en effet, mais les militants antinucléaires traditionnels ont aussi une image et une stratégie d'occupation de l'espace public désuète. Ainsi, lors de la première grande manifestation du 10 avril 2011 à Tokyo, ils peinent à réunir 2500 personnes dans le parc Shiba, alors que 12 000 se rassemblaient dans le quartier de Kenji à l'appel de la Fronde des amateurs. Cette manifestation marque l'ouverture des hostilités contre le village nucléaire, comme a été baptisé par les Japonais le triumvirat formé des industriels du nucléaire, du METI, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, et du gouvernement. Fort de leur succès, les antinucléaires réitèrent les manifestations en mai, juin, août et septembre, lors de journées nationales de manifestations qui rassemblent sur le territoire nippon plus de dizaines de milliers de personnes. Les images de détresse, de deuil impossible, transmises par la télévision comme par la presse écrite, ont fortement contribué à créer une communauté de sympathie, indispensable pour recréer les liens de solidarité dont a besoin le tissu social pour se reconstituer, mais qui peut aussi servir, si l'on y prend garde, à la résurgence et au primat de la communauté nationale, comme le souligne Sakai Naoki. Prolongeons les analyses proposées par Maruyama Masao en son temps sur le fascisme et le militarisme japonais. Sakai Naoki met en garde contre la tendance des médias à participer à ce système d'irresponsabilité, qui en privilégiant la construction d'une communauté de consolation réciproque, détourne le public de la question de la responsabilité des industriels, de l'administration, des hommes politiques et des collectivités locales. De plus, en relayant unanimement les consignes de retenue, une notion certes légitime pour exprimer le deuil de toute une nation, ces médias ont contribué à faire taire les voix ou les actions discordantes, surtout celles qui demandent des comptes. Dans ce contexte, ce qui domine est la difficulté pour les femmes à se faire entendre, à exister en tant que telles ou à porter un point de vue des revendications spécifiques. Il leur est encore plus difficile d'être présentes dans les instances de décision ou de réflexion sur la reconstruction. On a pu constater aussi, concrètement, dans les centres de refuge, la reconduction de la division sexuelle des tâches et son renforcement dans l'organisation de la survie élémentaire, les femmes étant systématiquement assignées aux tâches dites domestiques et de ce fait exclues des tâches d'organisation. C'est en réponse à cette situation que fut créé le réseau Rise Together for Women in East Japan Disaster. Lors de la conférence de presse du 24 mai 2011, une de ses représentantes, Takenobu Miyoko, insistait surtout sur l'importance de créer dans un contexte de prolongation de la durée du séjour dans les centres d'évacuation une atmosphère où il est possible de s'exprimer, où il est permis de dire les choses. Elle déclarait que si les femmes ont des besoins spécifiques, il est important de les faire entendre, sans les faire passer pour des exigences égoïstes. Créer des méthodes pour les reconnaître et les entendre, tel est le but que se donne ce réseau. Ces femmes exprimaient avant tout leurs préoccupations fondamentales. L'idée que, sans moyen de vivre, elles ne pouvaient se projeter dans le futur. Leur réponse est très claire et très importante pour rappeler que les personnes sinistrées ont besoin de soutien, non pas seulement ponctuel, mais d'une infrastructure qui leur offre la possibilité de se projeter à long terme pour reconstruire leur vie. Dans un contexte de crise et de détérioration des services publics depuis des années, l'augmentation de la pauvreté et la déréglementation du travail, qui toutes deux touchent en premier les femmes, viennent aggraver les difficultés des sinistrés à retrouver un emploi, en particulier pour les femmes. Rappelons que 60% des travailleurs employés par les entreprises de sous-traitance pour la centrale nucléaire de Fukushima sont des personnes sinistrées. L'environnement est de plus menacé de façon dramatique dans le département de Fukushima, dont les habitants sont obligés de se poser tous les jours la question du degré de contamination radioactive des aliments, s'ils ont raison ou tort de rester sur place, ou comment fuir cette situation. Les mois passent, et les questions angoissantes s'accumulent, sans trouver de réponse ni de solution. Les personnes et les familles, dont le lieu d'habitation n'est pas intégré dans la zone d'évacuation désignée par le gouvernement, souffrent de l'indifférence. Les tentatives du gouvernement, et en particulier du ministère de la Santé et du Travail, pour rassurer les maires, par exemple par l'édition d'une brochure tirée à 3 millions d'exemplaires en avril 2011, contrastent de façon saisissante avec d'autres brochures élaborées en direction du même public. Alors que celles-ci ont pour but d'attirer l'attention sur tous les dangers potentiels, comme la listeria ou autres produits toxiques, comme le mercure méthylique contenu dans certains poissons. La brochure éditée sur la question de la contamination radioactive révèle par l'expression choisie dans le titre « Anshin », la tranquillité, être rassuré, qu'il s'agit davantage de rassurer que de garantir la sécurité alimentaire. Subrepticement, l'expression « Anshin » remplace « Anzen », la sécurité. Pour les mères qui vivent à Fukushima et qui sont confrontées en permanence à la question de la contamination, cela n'a rien de rassurant, bien au contraire. Entendre les représentants du gouvernement, de TEPCO et certains scientifiques, comme Yamashita Shunichi, leur affirmer que l'eau, l'air et la nourriture sont sains et sans danger, les plonge dans la colère et les pousse à agir. Lorsque le gouvernement décida de relever le niveau d'admissibilité du taux d'exposition aux radiations de 1 à 20 millisieverts par an pour maintenir l'ouverture des écoles, le réseau de Fukushima pour la protection des enfants contre les radiations fut mis en place le 1er mai, autour de mères de famille. Depuis, le réseau s'est organisé et étoffé. Le groupe s'est formé avec les habitants qui voulaient mesurer par eux-mêmes les niveaux de radiation, dépolluer si possible et aider à évacuer le cas échéant. Mais devant la dangerosité de la réalité, l'organisation a commencé à insister davantage sur la nécessité d'évacuer les enfants et d'aider les familles à le faire. Le point d'orgue de cette prise en main de leur propre sort a été l'organisation du sit-in devant les bâtiments du METI, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, les 27, 28 et 29 octobre. Ces trois journées ont permis de sensibiliser et de rappeler les problèmes de santé auxquels la population doit faire face. Les 100 femmes venues de Fukushima ont demandé une audience auprès de représentants du METI pour présenter les 4 revendications suivantes. L'arrêt immédiat des centrales, le non-redémarrage de celles en cours de test, l'évacuation de tous les enfants sous la responsabilité de l'État et la prise en charge financière des frais occasionnés, y compris pour ceux qui sont déjà partis, et la suppression des 3 lois sur l'énergie électrique. Le 30 octobre 2011, deux grandes tentes s'installent en toute illégalité en face du métier. Peu médiatisé au début, le campement est soumis aux intimidations quotidiennes d'employés du ministère ou d'organisations d'extrême droite. La police installe autour des tentes des chaînes où pendent des panneaux « Propriété de l'État »,« Sit-in interdit ». Après plus de 6 mois d'occupation, le campement a été rebaptisé « Campement pour la sortie du nucléaire ». Une notoriété qui transcende les clivages politiques traditionnels, puisqu'à partir de janvier 2012, le campement a vu apparaître un soutien dont il se serait bien passé. En effet, une partie du mouvement nationaliste d'extrême droite japonais a alors opéré un revirement et décidé de s'engager dans la lutte contre le nucléaire civil. Certains de leurs militants étaient présents au rassemblement pour défendre le campement. Interrogé à ce sujet, un militant préfère évacuer la question. On les refuse en tant que groupe, mais s'ils viennent à titre individuel, il n'y a pas de problème. De fait, l'extrême droite ne participe pas aux manifestations anti-nucléaires qui se poursuivent régulièrement chaque week-end et organise ses propres défilés qui rassemblent quelques centaines de personnes. L'extrême droite entend ainsi se distinguer de la gauche anti-nucléaire et développer une pensée anti-nucléaire de droite. La principale organisation, le Réseau pour penser à droite la sortie du nucléaire, fait un grand écart à la logique incertaine en se déclarant à la fois opposé aux centrales nucléaires et favorable à la possession par le Japon de l'arme militaire. Affirmer la nécessité de remplacer le nucléaire par des ressources énergétiques compatibles avec la vie, c'est aussi renouer avec le mouvement anti-nucléaire qui avait été très fort à partir des années 1950 et ce jusque dans les années 1970. Elles ont pris conscience du recul de ce mouvement face à l'immense pouvoir d'argent du lobby nucléaire et des conséquences actuelles. Dans les années 1950, le grand mouvement lancé contre les expérimentations de la bombe H avait pour composante essentielle le mouvement des mères. La figure de la mère est-elle en passe de redevenir celle du citoyen ordinaire, non-expert, exclu des décisions qui le concernent directement et qui, refusant cet état de fait, s'organise pour exiger sa participation aux décisions cruciales, comme le suggère, par exemple, Mizushima Nozomi. Ceci pourrait renvoyer au stéréotype de la femme qui serait plus proche de la nature et qui agirait davantage sous le coup de l'émotion que de la raison. Contre cette image simplificatrice, il faut rappeler que leurs revendications sont aussi celles de leurs maris et de leurs fils, qui, pris au piège du chantage à l'emploi, ne peuvent manifester aussi ouvertement qu'elles le font. Ce que les femmes de Fukushima rappellent aux représentants des ministères et aux membres du gouvernement, c'est leur incapacité à prévoir et à empêcher un prochain accident dont le coût signifie accepter le sacrifice de la vie d'une minorité. C'est le refus de cette rationalité déshumanisée et destructrice qu'elles ont décidé de faire entendre. Après le 11 mars 2011, les 48 réacteurs de l'archipel ont été mis à l'arrêt. Un des enjeux pour la lutte contre le nucléaire est le non-redémarrage des centrales. Le 18 juillet 2012, l'Agence de sécurité nucléaire et industrielle organise une réunion pour discuter des résultats d'un stress test pour juger d'un redémarrage de la centrale de Ōi. Cette réunion est perturbée par des habitants de la préfecture de Fukushima. La parole de ces habitants semble résonner comme un écho à la colère des habitants de Minamata, 35 ans plus tôt. L'unité numéro 3 de la centrale nucléaire d'Ōi, gérée par la société Kansai Electric Power, a été remise en fonction en juillet 2012, malgré une forte mobilisation. Le gouvernement actuel de Shinzo Abe a prévu le redémarrage progressif des centrales, en commençant par la centrale de Sendai. 4 ans après la catastrophe du 11 mars, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées pour manifester dans les rues de Tokyo contre la politique nucléaire du gouvernement japonais. À l'heure où la population japonaise est encouragée à cogérer son agonie, selon l'expression de Thierry et Nadine Ribot, il est difficile de se faire une idée précise des formes qu'a pris la contestation au Japon. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org. Ready.